Chapitre 290. L'interdiction de regarder les femmes et les beaux garçons imberbes sans nécessité. Allah Ta'ala dit: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dis aux croyants de baisser leurs regards. Sourate 24, verset 30. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Il, Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate 40, verset 19. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate 89, verset 14. 1622. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: à chaque homme est destinée une part de fornication, zina, qu'il commettra forcément. La fornication des yeux se trouve dans le regard, celle des oreilles dans l'écoute, celle de la langue dans les paroles, celle de la main dans le toucher, et celle des pieds dans les pas. Le cœur est alors tenté et désire, mais c'est le sexe qui confirme ou infirme. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version, celle d'Al-Bukhari étant plus courte. 1623. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: prenez garde, ne vous asseyez pas sur le bord des routes. Ô messager d'Allah, nous avons besoin de nous y asseoir pour discuter, dirent les compagnons. Si vous devez absolument le faire, alors donnez ces droits à la rue, dit-il sallallahu alayhi wa sallam. Et quels sont les droits de la rue, ô messager d'Allah, demandèrent-ils. Baisser le regard, ne pas nuire aux gens, rendre le salut, ordonner le bien et interdire le mal, répondit-il alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. 1624. Abu Talha Zayd ibn Sahl, radiyallahu anhu, a dit: nous étions assis sur le seuil de l'une de nos maisons en pleine discussion, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta devant nous et dit: qu'avez-vous à vous asseoir sur le bord des routes? Évitez de le faire. Nous avons répondu: nous ne nous sommes pas assis avec de mauvaises intentions, nous parlons seulement de religion. Il dit: si vous ne pouvez pas faire autrement, alors donnez ces droits à la rue. Baissez le regard, rendez le salut et évitez les mauvaises paroles. Muslim. 1625. Jarir, radiyallahu anhu, rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur le regard d'un homme qui tombe par inadvertance sur une femme. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, détourne le regard. Muslim. 1626. Salama, radiyallahu anha, relate ce qui suit. Je me trouvais, ainsi que Maïmouna, chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque se présenta Ibn Maktoum, le muezzin aveugle du prophète alayhi salatu wa sallam, et ceci après que le verset ordonnant aux femmes de porter le hijab fut révélé. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous ordonna: couvrez-vous de votre hijab. Nous répondîmes: ô messager d'Allah, n'est-il pas aveugle et donc incapable de nous voir ou de nous reconnaître? Il répondit alayhi salatu wa sallam: êtes-vous, vous aussi aveugle, ne le voyez-vous pas? Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. Note: certains savants considèrent ce hadith comme faible. 1627. D'après Abu Sa'id, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: l'homme ne doit pas regarder les parties intimes des autres hommes, ni la femme celle des autres femmes. Il n'est pas non plus permis à deux hommes de s'allonger sous un même drap, ni à deux femmes de s'allonger sous un même drap. Muslim.